Levons-nous, tenons-nous debout, on va prier. Il y a certaines choses qui sont surveillées depuis. Il y a notre pays. Donc on va prier pour notre pays. Je veux que vous me suivez attentivement. Il y a des choses que je. Quand je vois ça, c'est difficile pour que je. Expliquer est difficile. Je sens qu'on prie pour notre pays. Il y a notre pays. La Côte d'Ivoire. Le pays qu'on appelle l'Ouganda. Et deux villes principalement en France. C'est vrai qu'il y en a beaucoup, beaucoup avec des sujets qui ça arrive par ici et ça arrive par là. Mais prions pour ces pays-là. Le Cameroun, la Côte d'Ivoire, l'Ouganda. Je crois qu'il faut allumer ici. Attends, voir. Voilà. C'est ça? Le Cameroun, la Côte d'Ivoire, l'Ouganda. La France, deux villes principalement en France. Pour la France, prions seulement que Dieu aide les services secrets français. Les services de sécurité. Que Dieu les aide. Souvenez-vous d'une chose. Les policiers et les magistrats sont au service de qui? Vous savez? Donc ils sont du côté du bien. Que Dieu aide les services secrets français. Le service secret français. Que Dieu les aide. Le service secret français. Dans l'une des villes, dans leur territoire, se trouve une base. Des gens qui font des choses sur place, pour aller. Pour aller se faire exploser de part et d'autre. Prions que Dieu les aide. Prions que Dieu les aide à débusquer cela. Il dit, c'est la France ici. Deux villes. Là-dedans. On va prier pour notre pays. Maintenant, en ce qui concerne notre pays, il y a tellement beaucoup de tractations sur notre pays. Parce que quand je regarde mon corps fait un genre, l'une des relations, il y a quelque chose encore qui a à voir avec la France et le Cameroun. Il y a un personnage, l'ancien président qui était en France, n'est pas du tout content de notre pays. J'ai comme impression qu'il a raté sa mission. Il voit qu'il a raté sa mission. Il veut que vous saisissiez bien ce que je viens de dire. Des tentatives qu'il a faites, il n'a pas pu. Alors, dans une vision, il est en train de regarder, je vais mettre ça de cette façon-ci. C'est comme s'il est revenu au pouvoir et sa priorité était le Cameroun. C'est comme s'il est revenu au pouvoir et sa priorité était au Cameroun. Et j'ai regardé aussi au Cameroun maintenant, les gouvernants du Cameroun se sont rassemblés. Donc, la politique était mobilisée. Il dit pour le Cameroun, pour le cadre du Cameroun, par rapport à cette relation-là. J'ai regardé cet homme-là. Quel est son dessein? Va-t-il réussir? Est-ce qu'il viendra? Qui l'a mandaté? Et le Cameroun, qu'est-ce que le Cameroun fait en contrepartie? Donc, soumettons tout simplement cela. Quand ils voient ça depuis, ils sont en train de prier, ils sont en train de prier. Depuis deux ou trois semaines qu'ils sont en train de voir cela. Ils sont en train de prier pour cela. D'un côté, il faut que les gens... Souvenez-vous que Dieu utilise les rois pour châtier les rois. C'est son règle, c'est ça, c'est sa règle à lui. Donc, ici, de ce côté, s'il n'y a pas la réponse favorable, comme Dieu voudrait qu'on mange, il suscite l'un l'autre là-bas pour châtier, comme il châtie. Donc, je veux que vous souvenez-vous de ceci. Prions pour le Cameroun. Quand il dit pour le Cameroun, pour le premier volet qu'il demandait pour la prière, ce sont des événements brusques qui commencent à arriver de telle enseigne que le pays est secoué. Des événements brusques qui commencent à arriver, dont l'homme ne peut pas contrôler normalement. Des événements brusques. Il va y revenir par rapport à cela. Donc prions pour le Cameroun, la Côte d'Ivoire, l'Ouganda et puis pour la France. Le sujet c'est que Dieu aide les services secrets français. Dans deux villes se trouvent dans le pays. Prions pour cela. Puis on va observer par rapport à pour l'autre Cameroun et France. Je vous donne seulement une information pour que vous voyez ce qu'il en est. Donc prions. Que Dieu intervienne dans cette nation et que Dieu préserve cette nation que nous avons citée. Que Dieu intervienne. Prions que Dieu intervienne. Prions pour sa grâce, pour sa protection sur ces peuples. Les peuples sont sans direction. Sans direction. Que Dieu vienne en aide au Cameroun. Que Dieu vienne en aide à la Côte d'Ivoire. Que Dieu vienne en aide à l'Ouganda. Seigneur, interviens dans nos pays, dans ces pays que nous avons cités, que tu nous as montrés. Interviens, Seigneur, et que ta grâce, ô Dieu de gloire, ta protection soit sur ces pays. Ta protection soit sur ces pays. Ta protection soit sur ces pays. ta protection soit sur ces pays. Ta protection soit sur ces pays. Ta protection soit sur ces pays. Père, nous prions Dieu de gloire pour les services secrets de la France, que tu leur accordes la grâce, même s'ils ne peuvent pas comprendre que c'est toi qui as le Seigneur, accorde-leur cette grâce. Nous prions Dieu de gloire que tu leur accordes cette grâce. Sois au Dieu de gloire avec les services secrets français. Donne-leur au Dieu de gloire de connaître où ces filets se trouvent. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Puisse le Seigneur venir vraiment en aide à la France. Souvenez-vous de tout ce qu'on a dit dans les enseignements ici. Il y avait parlé des... Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Vous souvenez de tout ce qui s'est passé avec Boko Haram, avec tout ce qui s'est passé ici, les telles personnes, les gens qui sont arrêtés, Dieu va dénoncer tout ça. Vous vous souvenez de ça ici, de ce que nous avons dit ici. Souvenez-vous des enseignements, dans ce que nous faisons des enseignements, j'avais parlé que le fait que la France durcit le ton par rapport à l'immigration, par rapport aux étrangers, ça va peser sur eux. C'est le domaine de leur chute là-bas. Le racisme, c'est le domaine de leur chute. C'est ça qui va amener leur chute. L'homosexualité, ça c'est banal. Voici le domaine de leur chute. Plus ils vont mettre l'oppression sur les êtres humains, plus Dieu va resserrer leur étau également. Donc, par rapport à le filet de ces deux gens-ci, ces deux villes-ci, vous imaginez quelqu'un, des gens qu'on connaît comme, ce sont des gens honnêtes. Suivez attentivement, des gens qu'on connaît comme si des gens honnêtes, mais qui partent derrière avec leur entreprise, leur dépôt, leur maison, leur fortune sert à financer les terroristes par derrière. Mais inimaginable. C'est-à-dire quelqu'un que on ne peut pas imaginer que c'est lui qui est derrière. Mais Dieu va le montrer au grand jour. Dieu va le montrer au grand jour. Vous allez voir quelqu'un de calme, des gens qui sont calmes. Je parle de la France là. Des gens qui sont suivis dans le terrorisme. Des gens que mais Dieu va les tracer. Parce qu'on va les arrêter, vous allez regarder. Vous allez commencer à entendre que l'enquête a montré que telle personne était liée au terrorisme, finance le terrorisme. C'est ce que Dieu va faire. Les gens qu'on ne peut pas imaginer, ils sont pleins dans le monde. Je dis, l'Europe va être secouée. Ils sont pleins là, des gens que vous êtes ensemble, mon corps, chaque jour, vous allez voir les voisins, ils ne dérangent pas. Un de ces jours, vous entendez, boum! On dit, mais ces garçons-ci, ils ne dérangeaient pas. Les bombes humaines sont préparées dans l'Europe. Des bombes humaines. Bombes humaines. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Vous asseoir. Il est presque 7 heures. 10 minutes. Donc il est 6h45. Donc on peut commencer. L'Ouganda, c'est le sang qui est en train de parler. Le sang d'avant qui est en train de venir. Je crois qu'il faut allumer ici aussi. Pour que tu vois bien, n'est-ce pas, frère? C'est le sang qui est en train de venir, le sang, c'est-à-dire qu'un événement qui s'est passé, et les gens ont fait comme si c'était terminé. Et le sang est en train de crier. Et ça veut dire ça. Les mêmes démons suscitent encore quelqu'un qui commence à s'élever, comme ça, soulever la foule, et puis on va aller dans une autre tempête. Que Dieu en préserve. Que le Seigneur vous bénisse vraiment, que le Seigneur vous bénisse. Est-ce qu'on peut parler ce soir de notre sujet? Hormis le sujet que nous avons parlé la dernière fois, est-ce qu'on peut parler ce soir? Que le Seigneur vous bénisse vraiment. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Continuez à avoir ceci sur le cœur. J'ai l'impression que de quoi que cette nuit-ci, je vais passer le temps de la prière à cause de toutes ces choses que nous sommes en train de dire. C'est pourquoi nous sommes en train de prier là. Passons le temps. Ce serait des événements, quand nous voyons à la télévision, dans d'autres pays, ça se passe comme ça. Imaginez notre pays. Qu'est-ce que Dieu en train de dire sur notre pays? Qu'est-ce que Dieu en train de dire sur notre pays? Il faut qu'on prie sur notre pays. Compris pour notre pays. Un de ces quatre matins, les gens qui n'ont pas connu certains troubles commencent à voir. Je vous avais raconté, j'en raconte chaque fois, les événements de février 2008, je crois, où il y a une semaine, combien de jours, c'est combien de jours? Une semaine, c'était une semaine. Mm-hmm. J'étais en train de rentrer de Yaoundé. J'étais dans le bus. J'entends, lève-toi. Je me lève. Je crois que c'est celui qui est à côté de moi qui est en train de me demander de me lever. Il me regarde, je me tourne, la personne de lui dormir. Je regarde devant, la personne qui est devant dort jusqu'à ce que la tête fait comme ça dans le bus. Je regarde derrière, la personne est derrière en train de dormir. Donc, je dis, oh, c'est sûr que j'ai dû rêver. Il met ma tête comme ça. Vous voyez, je dors. Il dit, lève-toi. Il lève, il sait que c'est lui. Prends ta plume et écris. Subitement, j'ai pris une enveloppe. L'enveloppe là, je l'ai toujours gardée là. Ce n'est pas le temps d'écrire. J'ai attendu. J'ai pris la main, j'écris. J'ai dit qu'un événement est en train d'arriver sur ton pays. J'ai écrit. Un événement est en train d'arriver sur ton pays. Ça sera bref. C'est un signe, un avertissement. J'ai écrit. Je suis venu. J'ai dit aux gens, quelque chose va venir sur le pays. Ça sera terrifiant. Mais c'est pour un bon bout de temps pour avertir le pays. C'est venu, c'est passé. À un moment donné, donc, j'ai vu un autre. L'autre là, c'était terrible. Mais pour ce que j'avais vu ici dans ce février 2008, vous voyez, c'est ça la différence entre la société et les gens de l'esprit. Les gens de l'esprit. On va aller dans la télévision, donner des exactions, dire, quelqu'un va démontrer par A plus B que c'est parce que les jeunes n'ont pas le travail. C'est parce que telle personne est frustrée. Il dit logiquement, vous voyez, ça semble être logique. Vous suivez la logique de tous ces gens qui donnent les analyses politiques. C'est vrai. Humainement parlant, c'est vrai. Mais le problème n'est pas humain. Il dit le problème n'est pas humain. Vous dites, c'est parce que le gouvernement, il y a un taux de chômage. Le taux de chômage est élevé. Le panier de la ménagère n'est pas bien rempli. C'est si. Ça, c'est le résultat sur le plan humain. Quelle est la cause qui est derrière? Ce sont les esprits. Quand j'ai vu cette vision-là, ça, c'est la première fois que je vois des démons aussi terrifiants. Ils mettaient les pieds comme ça, le pied, ils crachaient le feu partout. J'ai dit, ce n'est pas possible de se cacher ici. C'est quoi, Seigneur? Il dit, ça arrive sur ton pays. Quand vous voyez des démons qu'on cherche dans le corps, ils disent, au nom de Jésus qui sort, au nom de Jésus qui sort, ils font comme ça dans le corps. Vrai, s'il se présente, c'est autre chose. Ou mieux, si vous les voyez dans d'autres dimensions, c'est autre chose. Ne le voyez pas comme on commande dans le corps comme ça au nom de Jésus-Christ. Ceux qui viennent dans le corps, dans la matière, ce sont ceux-là qui sont de plus basse catégorie. Là-bas, on dit que nous n'avons pas lutté contre la chair, mais contre les esprits méchants dans les corps. Oui, c'est tout où? Les esprits méchants dans le lieu céleste, c'est le plus mauvais des catégories là-bas. Il y a les dominations, les autorités, les princes de ce monde. Les princes de ce monde, vous voyez dans Daniel, vous les voyez là-bas sur une Nebuchadnezzar. Au-dessus de Darius, au-dessus de ceci, c'est lui qui tient le pays. Il dit, petit, tu ne prends. On t'a envoyé, le père t'a envoyé, mais tu ne traverses pas dans mon territoire. Il fait, mais je me caille, mais te laisse le passer. Je le laisse passer. Les princes de ce monde, les ténèbres, contre les esprits méchants, quatre catégories, les groupes là. Alors, il a fait, oh. Mais la deuxième vision que j'ai vue pour notre pays, je vais faire pour le Cameroun. Je crois que ce qu'il a nécessité pour le Cameroun comme évangile, suscité pour le Cameroun comme évangile là, jusqu'à présent, en train de préserver le Cameroun. Jusqu'à présent, malgré qu'on a fait n'importe comment, il n'y a pas le sang versé des chrétiens et autres. Lorsqu'on nous prenne, et observez ce qui va arriver. Donc il faut qu'on prie vraiment pour notre pays. On prie vraiment pour notre pays. C'est une chose qui sont dites, qui sont cachées, qu'on ne peut pas dire. On les donne en secret, au service secret, au service du pays. Vous savez, il y a une soeur qui est un gendarme qui est chrétien. Il était en civil et puis un frère qui était à la maison est sorti avec sa voiture, il l'a transporté. Il parlait de Boko Haram parce que le frère était à la maison. Je lui ai dit que observe telle chose que le Seigneur devait faire. Observe. Le frère était étonné. Et quand le gendarme était en civil, il s'est rendu compte que le gendarme non, était un chrétien. Ils ont commencé à causer, partager. Et puis le frère a dit au gendarme ce que je lui avais dit. Vous voulez qu'il dise ça? C'est ça que vous aimez trop ici. Alors il a répété au gendarme ce que je lui ai dit dans la nuit. Le gendarme a dit freine la voiture. Il a freiné la voiture. Il a dit c'est quoi? Il dit qui t'a dit ça? Il dit c'est mon frère qui est à la maison. Il dit allons, il faut que je le voie. C'est que c'est un homme de Dieu. Parce que dans l'armée, personne ne connaît ça à moins que ce soit de haut gradé. Ces secrets-là, on ne connaît pas. Ils ne savent pas que c'est moi qui les ai informés. Ils ne savent pas que c'est moi qui les ai informés. J'ai appelé quelqu'un, j'ai regardé quand c'était fort. J'ai dit, je vous dis ici au milieu que prions, faisons comme ça, Prions que le Seigneur dévoile telle chose. Prions que le Seigneur. Il y a des choses qu'il ne peut pas vous dire ici au milieu. Nous prions comme ça. Mais Dieu sait de quoi il est question parce qu'il sait comment il m'a montré. Il dit prions. J'ai dit prions que Dieu dévoile que les hautes autorités qui sont au milieu. Prions que Dieu. Mais quand je vois que c'est sérieux, vite là qu'il faut vite agir, qu'est-ce qu'il voit? Je suis en train de voir comment les gens se faufilent au milieu des populations. Ils arrêtent les gens. Vous voyez, chaque jour on montre comment on a égorgé les gens. Chaque jour on montre comment on a égorgé les gens. J'ai dit que, ok, on va passer à l'étape supérieure. J'ai appelé le colonel du Garoua. J'ai dit colonel. Il dit oui. Descends, tu dois la viens. Il descendit. On s'est assis à la maison. J'ai dit ok. Ici, ça ne peut pas être le téléphone. Ça va être ceci. J'ai dit que observe ceci, observe ceci, observe ceci, observe ceci. Le colonel s'est tourné m'a regardé comme ça. Bon. Il est rentré à Garoua. On a arrêté plus de 200 Boko Haram. Ils n'ont jamais su comment ça s'est passé. C'est pour cela que ça se passait de militaire en militaire, de bouche à bouche. Ils savaient parce que l'ordre leur a donné dans l'intimité que personne ne soit au courant. Alors maintenant, on pouvait les identifier, même s'ils sont dans la population. On pouvait les identifier. Comment c'est arrivé? Comment? Je ne suis pas au champ de combat là-bas en haut. Comment c'est arrivé? Le Dieu qui a fait les cieux et la terre, souvenez-vous, il a dit. Dans ce livre des deux rois, l'autre a dit que Élisée, c'est lui le vrai problème. Si seulement le pays se pouvait considérer les voies, considérer les voies, on sera vraiment loin. Il y a des choses que jusqu'à présent, des choses qui sont sorties même dans la presse, des choses que la presse, dont les politiques ont parlé depuis des années, des choses qu'on a écrites dans la presse qui sont le mensonge sur ces pays que je connais, mais ce n'est pas de mon rôle de dire. Des choses que si il suffit de déclarer, et ça déclare des choses dans ce pays-ci, des choses où les gens sont dans la presse écrite, où telle personne a fait telle chose, il se trouve à tel endroit. On peut dire que exactement aller dans tel pays, à tel aller, il s'appelle tel, si il est là, on le prend. Mais ce n'est pas notre rôle en tant que prédicateur. Nous faisons tout pour essayer d'aider le pouvoir en place au mieux de ce qui nous est permis de le faire. Alors le colonel allait faire. La deuxième fois, quand il y a eu une autre chose, l'autre là, je pouvais l'envoyer. J'ai fait, prends cela. Tu es au bureau, colonel, il dit oui, c'est au bureau, le reçoit ceci. Il reçoit, il dit 5 minutes. Il dit oui. 5 minutes. Il dit, après 15 minutes, il dit, colonel, tu as vu, il dit oui. Il dit, je suis en exploitation, je transmets à qui des droits. Je transmets à qui des droits. Et puis ça continue. C'est le Seigneur qui résout le problème de Boko Haram, pas l'armée. C'est le Seigneur qui résout. Et ils ne comprennent pas. Pourquoi ils ne comprennent pas? Parce qu'en réalité, vous allez physiquement, vous ne pouvez pas les avoir. C'est spirituellement. Il faut qu'ils soient d'abord battus spirituellement parce que ce sont les esprits qui les aiment. Les esprits leur apparaissent pour les fortifier. Les esprits apparaissent à ces garçons-là. Les démons viennent, incarnent leur corps, leur donnent de pouvoir. Les démons sortent du ciel comme ça, leur apparaissent, sont debout comme ça, leur donnent des instructions. Tuez les chrétiens. C'est leur sang, avec le sang, vous allez beaucoup plus vaincre. Quand vous tuez un chrétien, vous avez beaucoup plus de pouvoir. Alors ils partent de faire. Ils entrent dans la folie. Pourquoi? Parce que la haine, c'est contre les chrétiens. Les juifs et les chrétiens sont la cible à battre sur cette terre-ci. Donc, c'est pour cela que, vous voyez, je suis obligé de parler de cette façon-ci. On parle de cette façon-ci, on parle de cette façon-ci. Mais il faut qu'on sache qui est qui dans ces pays. Donc, le gendarme, sa femme est venue à la maison. Mais, comment tu as fait pour savoir cela? Il dit, comment tu peux poser la question à un serviteur du Seigneur? Comment il a fait pour savoir? Comment tu peux poser cette question? Comment tu as fait pour savoir? Tout en étant de parler, je me suis arrêté parce que j'étais en train de suivre une pensée en quoi. C'est la dernière fois quand j'étais ici, je suivais la même pensée. Mais je n'ai pas dit, mais je vais dire quelque chose qui s'est passé dans une des assemblées quand je suis allé là-bas. Je suis allé là-bas dans un coin de la ville ici, annoncé. Et puis, lorsqu'on a fini, on était en train de faire l'agapé. Une des personnes m'a donné l'ordinateur que je mette des enseignements. Vous savez, mettre des enseignements n'est pas spirituel, c'est charnel. Quand il dit que ce n'est pas spirituel, ça se pose que je suis en train de faire avec mon corps physique. Mais mon corps spirituel n'est même pas ça. C'est ce qu'il dit. Ok. Donc ça veut dire que mon esprit est à l'écoute. Alors j'étais là comme ça. Les gens étaient là, ils observaient parce que tous observaient pour voir ce qu'on va faire. Si on va faire le séance de magie. Alors je mettais dans les yeux. Subitement, j'ai capté la pensée. Subitement, la pensée d'une femme est passée dans la salle comme ça. Subitement. Elle était assise là au coin. Elle dit, madame, toi derrière. Et oui. Lève-toi, viens, vite parler, viens ici devant. Il t'a de mettre là aussi. Chacun était là avec les yeux, avec les yeux, il mangeait. Il était curieux de savoir de quoi il est question. Elle était là comme ça, comme ma maman est assise, comme ça qu'elle était. Vous avez ça, c'est défilé devant comme ça. Il dit, il t'appelle à cause de ta pensée, ce que tu viens d'avoir comme pensée. Elle est debout, elle reste comme ça, elle s'est imaginée. J'ai dit, attends, on en finit. On allait dehors, je lui ai dit, comment tu peux te poser des questions pour voir si celui-ci était un vrai serviteur de Dieu? et tu dis, tu ne sais pas où tu vas mettre les pieds. Il fait comme ça là. Elle est dressée debout, elle a fait comme ça. Il dit, quand la parole est dévoilée au milieu de vous, vous devez regarder la parole, ne regardez pas la personne. Qu'est-ce que tu en es de faire? Donc, ça, j'ai repensé, c'est pas là. La dernière fois, c'est une de ses camarades, la camarade, celle-ci qui était assise. Je parle ici parce qu'elle était assise ici, là où le moment est assise. Elle est restée là, j'étais en train de prêcher pendant qu'elle prêchait, c'est subitement. Cette pensée-là, elle a traversé exactement à cet endroit-là. Vous savez, la pensée marche, vous savez ça? La pensée marche, vous pouvez la voir comme ça. Elle s'est assise là, subitement. Pendant que ça est prêché, ça est prêché. Si il lit la Bible que Matthieu chapitre 6, lisons. Elle a la Bible devant elle, mais elle a la tête que. Dans la tête, quel est le frère? Oui, le frère qui vient d'entrer. Quoi que c'est vrai. Je crois que je t'avais pas parlé, n'est-ce pas? Elle est en train de dire que tel frère serait bien comme mon mari. Et je suis là dans la salle en train de lire la Bible. Elle, voilà ce qu'elle est en train de penser. Les pensées. Donc, bon, enfin, de toute façon, ce ne sont pas de ça dont je vais parler. Je vais dire notre pays a une grâce et maintenant est en danger. Notre pays a une grâce et est en danger. Grâce que notre pays regorge a-t-il la convoitise. Donc c'est un peu comme si vous donnez par exemple de l'or à un enfant d'aller garder en banque. Il allait marcher comme ça au fur et à mesure. Il passe d'un pendant qu'il marche, on peut arracher cela. Vous comprenez, des choses précieuses entre les mains de quelqu'un qui est délicat à préserver. Vous donnez à un enfant des longueurs d'or, des préserve-moi ça pour qu'on ne vole pas. Et ça suscite des convoitises. Et l'enfant elle-même, l'enfant lui-même n'est pas à même de garder. Dieu nous a donné des choses précieuses. Ça suscite des convoitises. Il est temps qu'on prie. Parce que vous ne priez pas, votre vie en dépend également. Ça en dépend. D'accord, frères et sœurs. Pensez à notre pays pour notre. Dans la prière. Souvenez-vous de vos frères qui sont dans les pays européens. Parce que quelqu'un entrant dans un métro. Et que tu es dans le mauvais métro, le mauvais jour, où quelqu'un est censé se faire exploser, tu seras du nombre. Quelqu'un qui sera dans un supermarché, dans un centre de football, dans un stade de football, le jour où on a décidé que ceux-ci, ils vont s'exposer que là-bas, et voilà mal barré. Quelqu'un qui sera dans un avion, tu es en train de prendre l'avion pour aller d'un point à un autre, et que c'est ces jours-là qu'ils ont décidé qu'ils vont lancer cette attaque-là, voilà ton frère qui est à l'intérieur, donc prions. Personne n'est en permanence en paix sur cette terre. Il n'y a pas d'endroit. C'est pour ça que notre sécurité permanente et perpétuelle, c'est uniquement en Christ Jésus. Uniquement. C'est ça, n'est-ce pas? Sans cette protection, même à la maison, même quand il y a la stabilité qu'on voit maintenant au Cameroun, ce n'est qu'une pseudo-paix. Parce qu'à tout moment, un seul moment, il y a des tractations qu'à l'instant où je viens de parler, ça passe dans l'air. Dans des groupes dans ses propres pays, dans ce notre pays. Présenté en 2018, il ne va pas se représenter. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Il faut qu'on commence à se préparer. Il faut qu'on suscite des choses, des telles choses comme ça. Où va le pays? Non, il faut que ça soit au sud. Tu as vu comment elle a divisé le nord? Tu as comment elle a divisé le sud? C'est une bombe à retardement. Il faut que le Cameroun fasse vraiment attention. Nous avons un rôle à jouer. Nous allons prier. Nous allons seulement prier. Prier pour que ce pays-ci. On va prier au mieux de notre prière jusqu'à voir où ça va arriver. C'est pour ça qu'il ne peut pas sortir hors de ce pays-ci. C'est mon pays. Vous savez, il ne peut pas sortir hors de ce pays. C'est mon pays. Dieu m'y a mis. S'il veut que je parte n'importe où aller annoncer, c'est sa volonté. Mais voici le pays. Donc ça fait boum. On est ici ensemble. On doit rester ici ensemble. Il faut qu'il y ait des intercesseurs, n'est-ce pas? Vous en êtes un. Ne vous ciblez pas sur votre, ne vous concentrez pas sur vous. Concentrons-nous sur cette nation, sur les devenir. Pour que ça nous donne la paix. Souvenez-vous que ce que l'apôtre Paul a dit, qu'on prie pour les rois et autres, afin que nous vivions paisiblement. Prions pour eux, afin que nous vivions paisiblement. Parce que s'ils sont, comment la guerre entre eux, toi-même tu ne peux pas vivre paisiblement. Déjà, lorsque c'est paisible comme ça, pour avoir le pain quotidien, c'est un problème. Déjà. Alors que c'est paisible comme ça. Pour avoir le pain quotidien, pour pouvoir manger le semoule, un moment environ. Manger le semoule, ce n'est pas facile. À comment on peut faire raison s'il y a trouble? Il parle comme ça beaucoup pour le pays, parce que le moment viendra, il ne parlerait plus, il serait tranquille. Je prierai. D'accord, papa Tani? Dans ce pays-là, ça va, c'est comme ça que ça va être. Que le Seigneur te bénisse. Donc, pour tous ceux donc, qui gardent cela à l'esprit toujours, les gens, vos gens qui sont en Europe, gardez-les à l'esprit. Gardez cela à l'esprit. Que si vous entendez n'importe quoi dans ce pays, ne paniquez pas. Dieu a l'œuvre tout simplement. Ne paniquez pas parce que Dieu a son épée là sur le pays.